بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، على الوجه إثاء الله سبحانه وتعالى de nous avoir comblé de cette assise. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous augmenter de ses biens. Et quand l'être humain a cru que son Seigneur digne d'être adoré, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il s'est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il a cru en le messager Muhammad alayhi salam, et qu'il a cru qu'Allah l'a créé dans ce monde pour l'adorer, et qu'un jour il va quitter ce bas monde, il va se retrouver devant son souverain subhanahu wa ta'ala, le jour de la résurrection. Il sait d'un savoir dans lequel il n'y a pas de doute, le moindre doute n'y est pas, qu'Allah va le questionner sur toute parole et sur toute chose. Et que tout va être pesé par une balance juste le jour de la résurrection. Et que les gens, ce jour-là, seront deux catégories. La catégorie vouée à l'enfer et l'autre qui est vouée au paradis. Partant de là, l'être humain sait qu'une seule hasanat, celui qui est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, qui a une bonne croyance, il sait qu'une seule hasanat peut être la cause de son bonheur. Et comme il sait aussi qu'une seule sayyi'a peut être la cause de son malheur éternel. Le tawhid peut être son bonheur éternel, et le successionnisme peut provoquer son malheur éternel aussi, le jour de la résurrection. Cette croyance pousse le soumis à Allah et le motive à faire des bonnes œuvres, matin et soir. Il a été rapporté par un de nos pieux prédisseurs d'Allah alayhi, la parole suivante. Si on m'annonce que demain c'est la résurrection, je n'aurais pas pu faire plus que ce que je fais. Cela veut dire que il avance vers son souverain subhanahu wa ta'ala avec tout ce qu'il peut faire. Avec tout ce qu'il peut faire. J'a'a fi sahih al-jami' qawluhu alayhi salatu wa salam. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا. والحديث صحيح. Il est rapporté dans ce hadith authentique, dans l'authentique du الجامع, صحيح الجامع, الشيخ ناصر الألباني رحمة الله عليه, la parole du messager عليه الصلاة والسلام qui a dit: entreprenez les œuvres, il va y avoir des fitaines, des séditions, des troubles, des ambiguïtés, des tentations, comme les ténèbres de la nuit. La personne se réveille croyant, arrivé au soir, il devient mécréant. Ou il dort croyant, et au matin, il devient mécréant. Il vend sa religion pour des picunes de ce bas monde. Et le hadith, il est authentique. Et les choses sont arrivées, y arrivent, comme les a annoncé le messager alayhi salatu wassalam. Combien de musulmans ont apostasié, et apostasié à travers le monde. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la constance dans la religion et qu'il nous comble d'une bonne fin. Min huna yajibu an nafhama amran muhimman jiddan, ala wa huwa an al-aqidata amruha amrun muhim. لأن العقيدة تدفع الإنسان إلى العمل الصالح، وبالمثال يتضح البيان. فلننظر إلى هذه الأمثلة كيف تفعل العقيدة الصحيحة بأصحابها. انظر إلى أحوال المسلمين مع الصلاة لتعلم أن القضية ما هي إلا ضعف في العقيدة. الله أمرنا في كتابه سبحانه وتعالى بالمحافظة على الصلاة، قال عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عندما سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة على وقتها. هذا الكلام الصلاة على وقتها وهذه الآية سمعها أصحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام، والمسلمون اليوم يسمعون هذا الكلام. ولكن انظر وتأمل في العقيدة الصحيحة عند السلف الصالح رضي الله عليهم ماذا فعلت بهم وإلى أين أوصلتهم. إيه؟ Cela, il faut que ça se stabilise dans notre esprit que la plus importante dans la vie d'un musulman, c'est sa aqida. Car la aqida pousse et motive et encourage la personne et le pousse à accomplir les bonnes œuvres. Qu'on regarde maintenant des exemples concrets qui prouvent qu'il est obligatoire de s'occuper de sa aqida en priorité, car il pousse à accomplir les bonnes œuvres. Comme et prenons des exemples, car avec les exemples donnent plus de clarification. Prenons par exemple les prières obligatoires. Regardez et méditez la situation de beaucoup de musulmans. Quel rapport ils ont avec cette prière obligatoire? Et si cela prouve quelque chose, il prouve tout simplement la faiblesse de l'aqida chez beaucoup, sauf ce que Allah subhanahu wa ta'ala a préservé. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné dans le Coran de préserver la prière. Il est dit dans le verset, dans Sourate Al-Baqarah, verset 238. La traduction approximative nous dit ceci, préservez la prière, c'est-à-dire, préservez-la avec ses conditions. Hein? Faites-la, accomplissez-la à l'heure, accomplissez-la comme il se doit. Préservez la prière et soyez assidus à la salat et surtout la salat midiane, c'est-à-dire la salat de l'asr. Présentez-vous humblement devant Allah et soyez concentrés. Le messager alayhi salatu wasalam dans le hadith, rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, quand il a été questionné sur les actes les plus méritoires, il a dit, alayhi salatu wasalam, la prière à son heure. Cette parole, la prière à son heure, et ce verset, les nobles compagnons l'ont entendu, radhiyallahu anhum. Et les musulmans, jusqu'à la fin des temps, vont continuer de l'entendre. Mais il faut regarder la aqida authentique qu'avaient nos pieux prédécesseurs d'Allah. Qu'est-ce qu'il a fait d'eux? Vers quoi il les a poussés? Quelles œuvres ils ont accomplies? Et qu'on compare avec nous-mêmes et avec nos contemporains. Yaqulu Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu arda, man sarrahu an yalqa Allah ta'ala ghadan musliman, أي من صره أن يموت على الإسلام ويبعث يوم القيامة على الإسلام فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. أين ينادى بهن؟ في المساجد. فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن أي الصلوات الخمس من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي في عهدهم مع رسول الله، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها أي عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، أي يسند بين الرجلين حتى يقام في الصف، والحديث رواه مسلم، أي يأتي به اثنان، واحد على اليمين واحد على الشمال ويجرونه حتى يدخل في الصف لأنه مريض. Méditons maintenant cette situation relatée dans cet attar rapporté par l'imam Muslim rahimahullah. Abdullah ibn Mas'ud qui a dit: celui qui va être comblé de joie demain quand il rencontrera Allah, hein, et qui veut le rencontrer en étant musulman, qu'il préserve les prières. À l'endroit où on fait l'appel aux prières, où? À la mosquée. Il a dit, radiyallahu anhu arda, Allah a légiféré pour votre prophète des voies obligatoires et fortement recommandées, et les cinq prières en font partie. Et si vous priez dans vos maisons, comme le fait celui qui n'assiste pas aux prières communes, vous délaissez la voie de votre prophète, et si vous délaissez la voie de votre prophète, vous allez vous égarer. بدون تعليق انظر هذه العقيدة يعني الجزء رضي الله عنه وارضاه يعني notre époque nous s'absentait de la prière commune que l'hypocrite connue par son hypocrisie. Elle parle de son époque avec le messager عليه الصلاة والسلام. Il disait, à notre époque, on ramenait l'homme entre deux hommes traînant ses pieds jusqu'à ce qu'on le rentre dans le rang. De la personne est malade, il le porte à deux, chacun d'un côté, un de, du côté droit et de l'autre, jusqu'à le faire rentrer dans le rang. Ridwanullah alayhim. فبدون تعليق انظر إلى العقيدة التي جعلت هذا المريض يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وانظر إلى أحوال المسلمين. كيف يتعاملون مع هذه الصلاة لكي تعلم أن القضية قضية عقيدة قضية ضعف في العقيدة اي الاثار يا با بيزوان دو لو كومونتي اي لي كلير سكي ستيبولي اي ليكزامبل ها سكي دي دون اثار اي تري كلير با بيزوان دو كومونتي ريغارد سيت عقيدة اي سيت اوتنتيك عقيدة اي سيت فورت عقيدة كي افي كو سو مالاد traînant les pieds et étant épaulé par deux hommes qui viennent le ramener à la mosquée en traînant les pieds jusqu'à ce qu'il le rentre dans le rang. Hein? Et médite la situation de nos contemporains aujourd'hui pour comprendre que la aqida est très importante. Et pour comprendre quand la aqida est forte, il pousse à faire beaucoup d'œuvres et à entreprendre comme il se doit. Et quand la aqida est faible, ben la situation c'est comme tu la vois actuellement. واستمع الى ابي بن كعب رضي الله عنه وارضاه حيث يقول كان رجل من الانصار لا اعلم احدا ابعد من المسجد منه وكانت لا تخطئه صلاه اي لا تفوته صلاه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقيل له أو قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله رواه الإمام مسلم. ما هذا العقيدة الصحيحة عقيدة صحيحة ثابتة تدفع إلى هذه الأعمال إيه إكوت منتنو أبي بن كعب دوسكي رابورتي بار الإمام مسلم أبي بن كعب دي الله سبحانه وتعالى يزغري توس je ne connaissais pas quelqu'un qui habite plus loin que cet Ansari en parlant dans les alliés de Médine dit qu'il habitait très loin. Et malgré cela, il ne ratait aucune prière derrière le messager alayhi salatu wasalam. Il ne ratait aucune prière derrière le messager alayhi salatu wasalam. Et un jour, il lui a été dit où je lui dis, achète un âne pour le monter durant la nuit et quand il fait chaud. Il leur a répondu, radiallahu anhu arda, j'aurais pas aimé que ma maison soit proche de la mosquée. Je veux qu'il me soit compté mon aller pour la mosquée et mon retour chez moi. Le messager a dit, Allah t'a réuni tout ça. Allah t'a réuni tout ça. Ce n'est qu'une aqida authentique qui le pousse à agir ainsi et qu'il fait réagir ainsi et qui lui fait chercher les bonnes œuvres là où il a les récompenses des bonnes œuvres. Hein? Il vient à la mosquée en croyant que chaque pas qu'il fait, Allah l'élève en degré. Chaque pas qu'il fait, Allah l'élève en degré. Il croit que chaque pas qu'il fait, Allah subhanahu wa ta'ala l'élève en degré au paradis. Et chaque aller le matin et chaque aller le soir, Allah lui prépare un accueil au paradis. Où sommes-nous de cela? هذا الصحابي الجليل يأتي إلى المسجد وهو يعتقد أن الله يرفعه بكل خطوة درجة في الجنة. كلما غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له كما جاء في الحديث في الجنة نزلا. كلما غدا وراح. أين نحن من هذه العقيدة؟ عقيدة صحيحة تدفع إلى الصلاة في المسجد. عقيدة ضعيفة يضيع صاحبها الصلاة أي يصليها في البيت أو يخرجها عن وقتها كذلك Une aqida authentique à l'islam pousse vers la mosquée. Une faible aqida fait tomber la personne dans la négligence, dans la négligence de la prière. Et la personne prie seule à la maison. Et des fois, en sortant carrément la prière de sa plage horaire, et ainsi de suite. Tout ça, c'est quoi? La cause de la faiblesse de l'aqida. Ashabu al-aqidati al-fasida, tarahum idha ja'u ila al-salati ja'u kusala. Qala azza wa jal, wa la ya'tuna al-salata illa wa hum kusala. Wa qala azza wa jal, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى لِمَا يُرَاءُونَ النَّاسِ يُصَلُّونَ مِنْ أَجْلِ النَّاسِ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا Ceux qui ont une mauvaise aqida viennent paresseux à la mosquée. Le verset dans Surah Tawbah nous éclaire là-dessus. Ils seront dans la salate, ils ne seront dans la salate que paresseusement. Et dans l'autre verset, dans Sourate Nisa, dont la traduction approximative nous dit ceci, et lorsqu'ils se lèvent pour la salate, ils se lèvent avec paresse. Pourquoi? Par ostentation, parce qu'ils font la prière pour les gens, et pour se faire voir par les gens. Et dans la fin du verset, il est dit, à peine invoqué l'Allah. Même quand il se lève, il se lève par paresse. Et il invoque pour Allah dans sa prière. Et s'il le fait, c'est juste pour que les gens voient. Je suis rentré à la mosquée, là je prie. انظر العقيدة الصحيحة كيف تحرك أصحابها إلى العمل الصالح. يقول صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام والحديث صحيح وهو في صحيح الجامع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أخذوا هذا الكلام عقيدة في قلوبهم فقاموا الليل ولم يناموا إلا قليلا يقول ربنا جل في علاه في وصفهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ويقول سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون كيف يبيتون لربهم جاء في الآية في سورة الفرقان يبيتون لربهم سجدا وقياما ماذا يريدون والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما يخافون من الله ويخافون عقابه ويريدون رضوان الله وجنته سبحانه وتعالى. Concernant les prières nocturnes, comme est dit, comment l'aqida authentique fait bouger vers les bonnes œuvres. Il est rapporté dans Sahih al-Jami' al-Hadith, il est authentique, que le prophète d'Allah a dit aux gens, ébruitez le salam et divulguez-le, et donnez la nourriture et entretenez les liens du sang, et priez la nuit pendant que les gens dorment. Vous rentrerez au paradis. Ces paroles qu'on entend maintenant, les nobles compagnons les ont entendues. La seule différence, c'est que eux, c'était une aqida ancrée dans le cœur. Hein, ces paroles sont devenues une aqida plantée dans leur cœur, ridwanullah alayhim. Ils ont veillé la nuit à la prière. Ils ont dormi peu. Allah les décrit dans certains versets ainsi, notamment dans Daria, dans la traduction approximative du sens du verset, ils dormaient peu de la nuit. Ils dormaient peu la nuit. Dans Surat Sajda, la traduction approximative nous dit ceci, ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur souverain. Par crainte et espoir, ils font largesse de ce que nous leur attribuons. Comment il passe la nuit? Dans Surat al-Furqan, il dit comment il passe la nuit. Le verset dans sa traduction approximative nous dit ceci. Ils passent les nuits prosternés et concentrés devant leur souverain. Ils veulent quoi avec? Ils cherchent quoi? Dans le même verset, la suite, ils disent, Seigneur, écarte-nous du châtiment de l'enfer, car son châtiment est permanent. Écarte-nous du châtiment de l'enfer, car son châtiment est permanent. Ils ont peur. Ils ont peur du châtiment d'Allah. Ils veulent le paradis d'Allah. Ils veulent l'agrément d'Allah. وانظر إلى حالنا اليوم وقسه على حالهم لترى الفرق. فهذا صهيب الرومي رضي الله عنه لا ينام من الليل إلا قليلا يتقلب على فراشه كما يتقلب العصفور في المقلى. تقول له زوجته رضي الله عنه يا صهيب اتق الله ونم قليلا فقد جعل الله الليل سكنا. يقول لها نعم الليل سكن لكل الناس إلا لصهيب. تقول له ولما؟ فيقول لها إذا تذكرت الجنة وما فيها من النعيم طار نومي شوقا لها، وإذا تذكرت النار وما فيها من العذاب الأليم طار قلبي خوفا منها فلا أنام. قال عز وجل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Et qu'on compare leur situation à la nôtre. Regarde, maintenant Suhaib al-Rumi رضي الله عنه وارضاه dormait peu la nuit. Il se tournait dans son lit comme on tourne l'oiseau dans une poêle. Un oiseau que tu veux griller ou un poulet que tu veux griller, que tu tournes comme tu veux d'un côté à l'autre, etc. Ben lui, durant la nuit, il tourne à droite et il tourne à gauche. Il n'arrive pas. Sa femme lui dit, ô Suhaib, préserve les droits d'Allah et dors un peu. Allah a créé la nuit pour le repos. Suhaib lui répond, certes la nuit est un repos pour tout le monde, sauf pour Suhaib. Sa femme lui dit, mais pourquoi? Il lui répond, quand je me rappelle le paradis et ses délices, mon cœur s'envole de désir pour le paradis. Et quand je me rappelle le feu de l'enfer et le châtiment douloureux de l'enfer, mon cœur s'envole de peur et je n'arrive pas à dormir. Croyance dans le cœur. Alors la différence, c'est ce qu'il y a dans le cœur qui fait la différence. Le verset dans Sourate Zumar, il est dit dans cette traduction approximative du sens du verset, est-ce que celui qui aux heures de la nuit reste en dévotion, prosterné devant, prosterné, prenant garde à l'au-delà, prenant garde à l'au-delà et espérant la miséricorde d'Allah et espérant la miséricorde de son souverain subhanahu wa ta'ala, dis-leur, ya Muhammad, seront-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Seuls les doués de raison se rappellent. واسمع إلى أنباء الذين تربوا على العقيدة الصحيحة كيف باعوا أنفسهم وأموالهم رخيصة في سبيل الله. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه غاب عمي أنس بن النضر رحمه الله رضي الله عنه عن قتال المشركين يوم بدر وغاب لعذر, فقال أنس بن النضر يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين, والله لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. العقيدة تتكلم, عقيدته التي جعلته يتكلم هكذا. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال أنس بن النضر اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء, أي الصحابة عندما بدوا في الفرار, وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء أي المشركون, ثم تقدم إلى العدو يريد أن يحصدهم بسلاحه, فاستقبله سعد بن معاذ فقال لسعد يا سعد إنها الجنة ورب النضر, إنها الجنة ورب النضر, إني أجد ريحها من دون أحد. وبعد أن انتهت المعركة يقول أنس بن مالك وجدنا به 84 ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم, وقد قتل ومثل به المشركون ولم يعرف أحد منا إلا أخته ببنانه. يقول أنس كنا نرى أن هذه الآية نزلت فيه وفي أمثاله, قال عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ما هي إلا العقيدة التي جعلته يتصرف هذا التصرف. Et concernant le combat sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont nombreux, hein, dans la vie ceux qui en parlent, et peu comprennent le sens réel du combat sur le sentier d'Allah. Et en face de vous, vous avez les exemples Al-Qaïda, Daesh, Nusra, hein? Combien de mal et combien de préjudice cela ont causé à la communauté musulmane et aux musulmans à travers le monde. Et tout ce qu'ils ont fait n'a rien à voir avec la religion d'Allah. L'islam et les musulmans en sont innocents comme le loup est innocent du son du prophète Youssef alayhi salatu wassalam. Écoute maintenant l'histoire de ceux qui ont été éduqués sur une aqida authentique. Comment ils se sont sacrifiés et comment ils ont sacrifié leur fortune pour Allah et sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Anas ibn Malik radiyallahu anhu ardah a dit, mon oncle Anas ibn al-Nadr, mon oncle s'est absenté lors de la bataille de Badr. Et il avait une excuse. Pour son absence, il avait une excuse. Anas ibn al-Nadr a dit, ô messager d'Allah, je me suis absenté lors de la première bataille avec les associateurs. Par Allah, si je vis d'autres combats, Allah vous montrera ce que je ferai. Qu'est-ce qu'il parle ? L'aqida qui est ancrée dans son cœur qui parle. C'est une aqida forte, c'est une aqida authentique. Et quand il y a eu la bataille de Badr, de Houd, et que les musulmans ont été découverts, Anas ibn Nadr a dit, oh Allah, je m'excuse de l'acte de cela. C'est-à-dire, je m'excuse de l'acte de ce qu'ils ont fait, les compagnons, quand ils ont baissé les bras à ce moment-là. Et je me désavoue de ce que font ceux-là, de ce que font les autres, c'est-à-dire les associateurs, le massacre qu'ils font. Et il s'est avancé pour exterminer les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala avec son arme. Sa'd ibn Mu'ad lui a fait face. Et Anas ibn Nadr lui a dit, « Oh Sa'd, par le souverain de Nadr, c'est le paradis. Je sens son odeur derrière Uhud. » Et quand la bataille s'est terminée, Anas ibn Malik dit, « Nous avons trouvé sur Anas ibn Nadr plus de 80 coups. Coups d'épée, coups de flèche, coups de lance. Et les associateurs l'ont défiguré. » Et personne n'a pu le reconnaître, à part sa sœur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, qui l'a reconnu par l'un de ses doigts. Qui l'a reconnu tout simplement par l'aspect de l'un de ses doigts. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée tous. Anas a dit, radiyallahu anhu arda, nous disons que ce verset est descendu concernant Anas ibn Nadr, et c'est similaire, et les gens qui étaient comme lui. Et qui ont agi comme lui. Le verset dit ceci dans sa traduction approximative du sens. Parmi les croyants, des hommes, il y a des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin et d'autres attendent. Ils n'ont rien changé dans leur engagement. Tu comprends maintenant pourquoi il a en priorité. Et pourquoi les hommes de science lui donnent cette importance à l'aqida? Ben c'est celle qui fait avancer vers le bien. C'est celle qui fait que la soumission est totale à Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أريد أن أهاجر في سبيل الله فأدين له الرسول صلى الله عليه وسلم وأوصى به بعض أصحابه فلما كانت غزوة خيبر وغنم الرسول صلى الله عليه وسلم منها شيئا وقسم على الجند أرسل نصيبا لهذا الأعرابي فجاء الأعرابي بنصيبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ليس لأجل هذا اتبعتك إنما اتبعتك أنا ما اتبعتك أريد مالا ولا حطام الدنيا إنما اتبعتك يا رسول الله أن أرمى بسهم ها هنا وأشار إلى حلقه رضي الله عنه وارضاه فأموت فأدخل الجنة فقال له صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدقك فلبت قليلا ثم ذهبوا لقتال العدو فما هي إلا لحظات وجيء بهذا الأعراب محمولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصابه سهم حيث أشار فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه أهوه قالوا نعم يا رسول الله قال صدق الله فصدقه صدق الله فصدقه فكفنه صلى الله عليه وسلم بجبته وقبله وصلى عليه وقال اللهم إن هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا يقول صلى الله عليه وسلم وأنا شهيد على ذلك والحديث في صحيح الترغيب والترهيب العقيدة أخي الإسلام يقول الله عز وجل ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما Et voici un bédouin qui est venu vers le prophète عليه الصلاة والسلام. Il a dit au messager d'Allah, je veux émigrer sur le sentier d'Allah. Le messager lui a autorisé l'a autorisé à immigrer avec eux sur le sentier d'Allah et a demandé à certains de ses compagnons de prendre soin de ce bédouin. Et quand il y a eu la bataille de Khaybar et que le prophète a eu un butin, le prophète a eu le butin de cette bataille, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a partagé entre les soldats et a envoyé une part à ce bédouin. Il faisait partie des soldats aussi. Il a envoyé une part à ce bédouin. Le bédouin est venu avec sa part vers le messager alayhi salatu wassalam. Il lui a dit, ô messager d'Allah, c'est pas pour ça que je t'ai suivi. Je ne t'ai pas suivi pour les pécunes de ce bas monde. Je t'ai suivi, ô messager d'Allah, pour recevoir une flèche ici. Et il a montré sa gorge. Pour recevoir une flèche ici, que je meurs et que je rentre au paradis. Le messager d'Allah lui a dit, si tu es véridique avec Allah, tu l'auras. Et il est resté un laps de temps. Puis ils sont rentrés. Ils ont repris le combat quelques instants. Et quelques instants plus tard, on a ramené ce bédouin devant le prophète alayhi salam. Et ce bédouin avait reçu la flèche à la place qu'il a montré au messager alayhi salam. Le messager d'Allah a dit à ses compagnons, c'est lui ? Oui, c'est à Rasulallah, c'est lui. C'est le bédouin qui est venu tout à l'heure, c'est lui. Le messager a dit, alayhi salatu wassalam, il a été véridique avec Allah. Allah lui a donné ce qu'il voulait. Il a été véridique avec Allah, Allah lui a donné ce qu'il voulait. Le messager a utilisé cette tunique comme linceul pour ce bédouin. Et il l'a embrassé, alayhi salatu wassalam, il a embrassé ce bédouin. Et ensuite il a prié sur lui. Et il a dit, alayhi salatu wassalam, ô Allah, voici ton soum qui est sorti immigrant sur ton sentier. Il a été tué au martyr et je suis témoin de cela. Il a été tué au martyr et je suis témoin de cela. Le hadith, il est dans Sahih Targhib wa Tarhib. Eh oui, ça, c'est la aqida forte et authentique. Il fait réagir ainsi. Il ne fait pas baisser les bras. Il fait réagir comme il se doit. Et il est dit dans le verset dans Surat Nisa, dans la traduction approximative du sens du verset, et quiconque immigre dans le sentier d'Allah trouvera sur terre main refuge et abondance et de l'abondance. Hein? Et quiconque sort de sa maison émigrant vers Allah et son messager, et que la mort atteint, sa récompense en combat Allah, et Allah est pardonneur et miséricordieux. وهذا حنظلة حنظلة غسيل الملائكة كان عروسا ليلة يوم أحد فصلى الفجر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى بيته ونام مع عروسه ونودي للجهاد في سبيل الله فخرج من بيته بسيفه للجهاد وهو جنوب فقاتل وقتل فرآه الرسول صلى الله عليه وسلم تغسله الملائكة بين السماء والأرض فقال لأصحابه اسألوا أهله ما شأنه قالت كان جنبا فلما سمع النداء للجهاد خرج وهو جنب ورأى أنه لو تأخر حتى يغتسل من الجنابة لعد ذلك تخلفا عن الجهاد يقول صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك غسلته الملائكة دركا وروه الإمام الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز عقيدة جعلته لا يصبر حتى يغتسل من الجنابة دفعته إلى المبادرة بالعمل الصالح وإلى تلبية النداء voilà Hamdala رضي الله عنه وارضاه celui qui les anges ont lavé entre le ciel et la terre la nuit de la bataille de Houd. C'était la nuit des noces de Hamdala. Hamdala a pris le fajr avec le messager alayhi salatu wasalam, puis il s'est recouché, il est retourné à la maison, recouché avec sa nouvelle femme. Et tout d'un coup, l'annonciateur annonce la sortie pour le combat. Fait l'appel pour que les compagnons sortent pour le combat. Hamdala est sorti de chez lui avec son épée en état de janaba. Il est sorti, il était en état de janaba. Et il a combattu, il a été tué. Le messager d'Allah a vu les anges en train de laver Hamdala entre le ciel et la terre. Et il a dit à ses compagnons, posez la question à sa femme. C'est quoi cette situation? Qu'est-ce qu'il y a eu? Sa femme leur a répondu qu'il était en état de janaba, que Hamdala était en état de janaba. Et quand il a entendu l'appel pour sortir sur le sentier du combat, il est sorti sans se laver. Car il considérait, s'il tardait jusqu'à se laver de la janaba, il considérait que ceci serait comme le fait de s'absenter du combat. Le messager d'Allah a dit, c'est pour ça que les anges l'ont lavé de la janaba. Comme il est rapporté par Imam al-Albani rahmatullah alayh dans Ahkam al-Janaiz. Regarde cette aqida, cette forte aqida. Il n'a pas attendu hadak le moment pour se laver de sa janaba. Hein? Direct, il a entendu l'appel, il a répondu à l'appel. Pourtant, c'était un jeune marié. Il venait de se marier. Hein? Et quand tu sais combien de jeunes mariés qui se marient, et la première semaine, tu ne le vois plus à la mosquée. Hein? Ni à Salat al-Fajr, ni à Salat al-Dohr. Khlas. Hein? Il est comme ils disent, donne-moi du miel. Là, il est dans le miel de l'amertume, oui. Hein? C'est quoi ce miel de miel qu'il fait, hein, qui lui fait rater, qu'il fait désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et regarde, Hamdala, sa nuit donnant sa première nuit avec sa femme, khlas, il y a eu l'appel, il est sorti, il a répondu à l'appel d'Allah. C'est quoi? C'est simple, c'est quelque chose qu'il y a dans le cœur. C'est une forte aqida qui a imbibé, qui habite son cœur, qui fait la différence. Hein? C'est pour ça que certains de nos prédécesseurs d'Allah, ils ont dit, Abu Bakr ne les a pas devancés avec beaucoup d'actes, mais il les a devancés avec quelque chose qu'il y a dans son cœur. Ridwanullah alayhim. Hein? Et voici وهذا رجل آخر يوم أحد يأكل تمرات بيدي يقول يا رسول الله أرأيت إن قتلت أين أنا قال في الجنة فألقى التمرات ودخل في المعركة ومات في سبيل الله لم يصبر حتى يأكل التمرات رواه الإمام مسلم عقيدة. Et voici un autre homme. Le dernier jour de la bataille de Houd, il mangeait des dattes qu'il avait dans ses mains. Il a dit au messager, « Ô messager d'Allah, si je meurs, où je serai ?» Le messager d'Allah, il lui a dit, « Tu seras au paradis. » Il a lâché les dattes. Il n'a même pas pris le temps de les terminer. Et il est rentré dans le champ de bataille, il est mort. C'est quoi qui les fait réagir ainsi? Si ce n'est cette aqida ancrée dans leur cœur. Il hadith, il est chez l'imam muslim. Hein? Et regarde, si on se retrouve devant un tacos et que la mosquée est juste à côté, hein? Qu'est-ce qui va se passer? Attends que je termine. Hein? Fa l'aqida. العقيدة أمرها أمر خطير جدا فبقوة العقيدة يكون العمل الصالح وبضعف العقيدة يقل العمل الصالح في الناس كيف تريد من الذين يأكلون الربا أن يضحوا في سبيل الله كيف تريد من الذين ينظرون إلى المفسديونات وإلى ما حرم الله عبر الوسائل الإعلامية كيف تريد منه أن يضحي في سبيل الله ها كومون فيتي مانتنون لا L'aqida, c'est quelque chose de très important dans la vie des musulmans. Il est forte, les œuvres vont être selon l'aqida de la personne. Hein? Et il est faible, là, bien sûr, la négligence dans les œuvres, la négligence dans tout. Comment veux-tu maintenant que ceux qui baignent dans le riba se sacrifient pour Allah? Ou ceux qui pensent, qui passent leur journée dans les cafés, en face des télés, en face des ordis, à zioter n'importe quoi, ou sur ses téléphones, à zioter n'importe quoi, et à faire n'importe quoi avec, hein, et à regarder tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, et à entendre tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, hein, et ceux qui sont occupés du bas monde au point d'oublier les obligations d'Allah. S'occuper de ce bas monde et lui demander de chercher sa subsistance. Mais d'être baigné dedans jusqu'à oublier les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est le danger. Hein? Comment veux-tu que cela tu peux leur demander de se sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala? D'où l'importance de s'occuper de la aqida. D'où l'importance d'apprendre comme il se doit sa aqida. D'où l'importance d'avoir cette aqida qu'avaient les pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. فإذا نظرنا إلى أحوال الأمة الإسلامية اليوم وجدنا الكثيرين إلا من رحم ربك متنكبين عن طريق الأعمال الصالحة وهذا إن دل على شيء إنما يدل على ضعف في العقيدة فواجب على الدعاة وواجب على المسلمين جميعا أن يهتموا بالعقيدة قبل أن يضيعوا أوقاتهم وجهودهم فيما لا ثمرة فيه العقيدة تدفع إلى الأعمال الصالحة والأعمال الصالحة سبب للسعادة في الدنيا وفي الآخرة قال تعالى مبينا أن العمل الصالح سبب للحياة طيبة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى لكن بشرط من عمل صالحا من ذكر أو أنثى بشرط شرط ماذا؟ وهو مؤمن صاحب عقيدة صحيحة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون عقيدة صحيحة أعمال طيبة أعمال صالحة حياة طيبة عقيدة فاسدة أعمال سيئة حياة كلها نكد كلها ضنك فالذي يعيش في نكد وضنك لا يلومن إلا نفسه فهو السبب السبب منه et quand on regarde la situation de la communauté ah combien beaucoup sauf ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ses saintes miséricordes sont loin de la voie des bonnes œuvres et de la voie qui prodigue le bonheur qui est la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala et l'accomplissement des œuvres. Et cela, disent les hommes du sens, s'ils prouvent quelque chose, ils prouvent tout simplement la faiblesse de la aqida. Donc il est obligatoire pour les prêcheurs, et il est obligatoire pour tous musulmans et musulmanes de s'occuper de la aqida, et de lui donner l'importance qui lui est due, avant de perdre le temps et de l'énergie dans les choses qui n'ont aucun impact positif. Hein? L'importance doit être donnée à l'aqida. L'aqida authentique, c'est elle qui pousse vers les bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres sont la source du bonheur pour l'être humain, dans ce bas monde et dans le delà. Hein? Une aqida authentique cale des bonnes œuvres, va en décoller des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres ramènent vers quoi? Vers le bonheur, dans ce bas monde et dans le delà. Il est dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre comment les bonnes œuvres sont la cause d'une bonne vie. Le verset dans Surat Nahl, où il est dit, dans la traduction approximative du sens du verset, quiconque, homme et femme, fait une bonne œuvre, mais il faut une condition, en étant croyant. Quiconque, homme et femme, fait une bonne œuvre en étant croyant, à la condition d'être croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous le récompenserons certes mieux que ce qu'ils ont fait. Hein? La bonne vie, il est dans quoi? Il est dans la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Cette soumission vient de quoi? De cette aqida ancrée dans le cœur. Hein? Et donc la bonne vie dépend de la aqida qui va motiver à accomplir les bonnes œuvres que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée et qui va amener à la fin vers la bonne vie dans ce bas monde et dans le delà. L'apaisement dans ce bas monde et le grand bonheur et les délices éternels dans le delà. Donc, une bonne aqida, des bonnes œuvres, et une bonne vie, ici-bas et dans le delà. Une mauvaise aqida égale des mauvaises œuvres qui vont amener vers une vie pénible. Donc celui qui vit angoissé, mal dans sa peau, dérangé intérieurement, il ne doit s'en prendre qu'à lui-même. Il doit revoir ce qu'il y a dans son cœur. Sur quoi son cœur il est noué? Quelle aqida il a dans son cœur? Hein? وَالْأَعْمَالُ الصَّالِحَةُ سَبَبُ الْفَوْزِ بِالْجَنَّةِ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. أعمال صالحة سبب للفوز بالجنة. Et donc les bonnes œuvres sont la cause pour avoir les bonnes œuvres sont la cause pour accéder au paradis. Le verset dit cela dans sourate An-Nisa, dans la traduction approximative du sens du verset, et quiconque, homme ou femme, fait de bonnes œuvres en étant croyant, toujours la aqida, on y revient, en étant croyant, en ayant une bonne aqida, ceux-là rentreront au paradis et ils subiront aucun préjudice, aucune injustice, fût-ce d'un creux de noyau de date, rien, ils subiront rien du tout comme injustice. Hein? Les bonnes œuvres sont la cause pour gagner le paradis. Et les bonnes causes ne découlent que d'une aqida solide et forte et authentique. وَالْأَعْمَالُ الصَّالِحَةُ سَبَبُ لِلْتَمْكِينِ فِي الْأَرْضِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ دَوْلَ إِسْلَامِيَةَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْعِزَّةَ وَالسِّيَادَةَ يقول لهم العلماء الدولة المسلمة تبنى بالعقيدة الصحيحة والعمل الصالح. أما قيام الدولة المسلمة على عقائد فاسدة وعلى آكل الربا وعلى نساء متبرجات وعلى قوم لا يؤدون الصلاة بل يحافظون على أفلام المفسدين والمباراة وتراهم في المقاهي والحانات أكثر مما تراهم في المساجد، هذا محال. قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Donc les bonnes œuvres sont aussi la cause pour avoir la suprématie et le pouvoir sur terre. Donc, tous ceux qui veulent ou qui appellent vers le fait de constituer un État islamique sur terre, et tous ceux qui veulent les honneurs de cette communauté, et tous ceux qui veulent la suprématie de cette communauté, les savants leur disent, l'État islamique et les honneurs ne se constituent qu'avec une aqida authentique, qui est la base des bonnes œuvres. Quant au fait de vouloir constituer un État islamique, avec des mauvaises croyances et avec des gens qui baignent dans la débauche, dans le riba, dans l'exhibitionnisme et qui négligent la prière et préservent plutôt les horaires de feuilletons et de films à la télé et ou les rendez-vous de foot, etc., c'est impossible d'arriver à cet état islamique. Abadan, comment tu peux y arriver? Des croyances qui n'en sont pas, de la débauche, de la désobéissance à Allah Azza wa Jal, et tu veux l'état islamique. C'est un rêve, hein? C'est un faux rêve ne se réalisera jamais. Tu regardes, tu vas réaliser ce rêve avec ceux qui remplissent les cafés et les bars et les salles de jeu et qui délaissent les mosquées. Abadan akhal islam. C'est un rêve futile. Le verset dans Surat Nour nous dit ceci. Dans la traduction approximative du sens du verset, Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait bonne œuvre de les faire succéder les uns aux autres sur terre, comme il l'a fait pour ceux qui les ont précédés. Et il donnerait la force et la suprématie à leur religion qui leur a agréé, et il leur changerait leur peur en sécurité. C'est les promesses d'Allah. Reste la condition. La condition vient à la fin du verset. Il m'adore, il ne me donne aucun associé. Hein? Le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il m'adore, il ne me donne aucun associé. Et celui qui m'écroit par la suite, ce sont ceux-là les désobéissants. La suprématie sur terre, le pouvoir sur terre, vient avec le monothéisme, vient avec une aqida authentique. Hein? Et tu n'as qu'à voir toutes ces tendances qui n'ont pas cessé depuis un moment d'appeler à faire un état islamique où ils sont arrivés. Même quand ils arrivent au pouvoir, ils tombent. Ils croient qu'ils sont sur la chaise et tout d'un coup, la chaise est devenue éjectable, ils l'éjectent. Hein? Pourquoi? Simple, la base n'est pas solide, pas d'aqida. Pas de pouvoir, pas de suprématie, pas d'honneur, rien du tout. Hein? Et regarde, prends l'exemple, l'histoire de l'imam Mohammed ibn Abdelhab et de ce prince qui y a mis la main avec Mohammed ibn Abdelhab. Ça l'a amené à quoi? Ça l'a amené à cet état du monothéisme dans lequel on ne trouve pas une tombe qui s'adore en dehors d'Allah Azza wa Jal. Hein? L'exemple, il n'est pas loin. On ne va pas chercher chez Omar ibn al-Khattab, chez Uthman, Ridwanullah alayhim, etc. Il est juste à côté de nous. Hein? Cet homme, vers quoi il appelait? Il appelait vers une aqida, vers le fait d'identifier. Et ce prince, il lui a dit, tu m'aides à... Cheikh Mohammed ibn Abdelhab, il lui a dit, tu m'aides à faire prévaloir la religion d'Allah, Azza wa Jal. Et tu auras le pouvoir. Et c'est ce qui est arrivé. Hein? Et regarde, tu as la tendance des Ikhwanes depuis un siècle, que du massacre dans la communauté. Des dégâts qui n'en finissent pas. Hein? Ah, frère, en Allah, subhanahu wa ta'ala, nous devons nous ressaisir. Car nous sommes encore dans la demeure des actes. Et dans la demeure des œuvres. Et demain, nous serons dans la demeure des comptes. Qu'on s'occupe de notre aqida. Et qu'on veille à ce qu'il soit conforme à celle du messager alayhi salam. Et celle de ses compagnons, de ceux qui les suivent à la perfection. Et qu'on veille que cette aqida, que nos enfants aient cette aqida, et que nos femmes aussi, parce qu'ils font partie de notre responsabilité. Et on sera questionné là-dessus, le jour de la résurrection. Nous devons entreprendre les bonnes œuvres. Aujourd'hui, nous avons accompli la prière du vendredi. Qui te dit que la semaine prochaine, on sera là pour accomplir la prière du vendredi? Qui te dit que demain, on sera à Al-Fajr? Ou là qu'on va? Hein? Qu'on ne sera pas mort avant la prière de l'Isha qui va avoir lieu dans peu de temps. Personne n'a la garantie de quoi que ce soit. Donc tant que tu as l'occasion pour œuvrer, il faut que tu profites de l'occasion. L'occasion, tu la rates, las. Tu rates ce moment, il ne revient pas, c'est fini. Le manuscrit de ta journée des œuvres est fermé pour cette date. Et il nous dit au revoir jusqu'au jour de la résurrection, il sera témoin pour nous ou contre nous. Ça dépend ce qu'on y a mis, comme bonne œuvre ou comme mauvaise œuvre. Fa sallallahu alayhi wa sallam, Rabbul Arsh al-Azim, bi asma'il husna, wa sifati al-ula, an yaj'alna wa iyyakum min alladhina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana. إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا